Fait qu'on est 25, tout le monde me donne un peu, puis moi, je ne me donne à personne. Fait que moi, je fais rien, moi, je suis bien. Puis donner. Mais à un moment donné, il va falloir que ceux qui donnent s'écartent, parce qu'ils dilapident leur énergie. Il va falloir qu'ils instruisent celui qui reçoit à fonctionner de façon à avoir sa propre énergie. Et ça, c'est ce qui va faire en sorte que les hommes vont être capables, sans être assujettis collectivement, de travailler pour construire une société intelligente, de façon à ce que la société leur permette de se libérer pour s'améliorer eux autres. Et l'homme qui comprend l'intelligence de la relation, non pas qui est assujetti d'une relation parce qu'il est venu au monde dedans, parce qu'il a vraiment compris, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il dit qu'il ne peut pas s'en sortir, mais lui va être capable de vivre, la société va être intelligente quand l'homme va devenir, va comprendre la relation. Avec un gouvernement tyrannique, n'arrive-t-on pas à une tour de Babel? C'est la question qui est demandée, Daniel. Bon, disons que la tour de Babel, c'est la destruction d'un gouvernement tyrannique, d'un gouvernement mondial. Disons que essayer continuellement de fouiller dans le passé pour essayer d'expliquer l'avenir, c'est ce que l'homme a toujours fait, et l'homme a toujours construit son avenir en fonction des lignées tracées dans le passé. À un moment donné, l'homme va devoir éliminer le passé, se servir de son intelligence immédiate pour être capable de comprendre ce qui se passe présentement, pas juste observer ce qui se passe, mais comprendre ce qui se passe, et à partir de ce qu'il comprend, il devra déterminer, lui, l'homme, l'homme intelligent, l'homme conséquentiel, celui qui est capable de connaître les conséquences de ses décisions, il devra déterminer ce qui doit être fait pour qu'il y ait, pour que, disons simplement, et ça, c'est pas encore compris, on va revenir sur ce sujet-là, mais pourquoi évoluer? Pourquoi on évolue? J'ai déjà dit que l'homme évoluait parce que l'homme était écœuré de souffrir. Bon, ça c'est vrai, c'est ce qui motive l'humanité évoluante d'aujourd'hui puis de l'Antiquité. Mais est-ce qu'on peut se dire, ouais, mais dans le passé, l'homme évoluait pour telle raison, fait que dans l'avenir, merde le passé, dans l'avenir, l'homme change, l'homme a changé, l'homme évolue, même s'il semble repasser sur les mêmes points d'évolution de l'Antiquité, il est toujours sur une octave supérieure. Alors, on peut pas dire, tiens, je suis au-dessus de la maison que j'habitais quand j'étais petit, donc je suis dans la maison. Non, t'es au-dessus de la maison. T'es approximativement à la même place dans le temps et l'espace. L'espace, là, c'est pas infini, l'espace. Ça n'existe pas, l'espace. Fait que vu que ça n'existe pas, même si on pense que ça existe, veut pas, l'homme repasse toujours par la même place à un moment donné. Parce qu'il ne peut pas passer par d'autres places. Alors, ce qui fait que dans l'évolution cyclique des êtres évoluants, si on parle, par exemple, de l'âge de fer qu'on vit présentement, le Kali Yoga, on est dans l'âge de fer de l'âge de fer, on tombe dans l'âge d'or d'ici peu, de l'âge d'or, on passe dans l'âge d'airain, dans l'âge d'argent, dans l'âge d'argent, on tombe dans l'âge d'airain, l'âge d'airain, on retombe dans l'âge de fer, un âge évoluante, on tombe dans l'âge d'or. On passe pas par les mêmes schémas d'évolution, on passe par les mêmes terminologies d'évolution, complètement différent. Alors, si on essaie continuellement d'expliquer ce qui se passe à partir du passé ou ce qui va se passer à partir du passé, à partir de nos mémoires, c'est de faire fi continuellement de notre intelligence qui est conséquentielle, l'intelligence de l'homme nouveau, et de vouloir continuellement mettre de l'importance à notre intellectuance, à ce que nous savons. Et si l'homme n'arrive pas à développer, et ça se développe mal, tout croche, mais facilement et rapidement chez l'homme, la capacité d'être intelligent, pas d'être intellectuant. Si l'homme essaie continuellement de raisonner l'avenir à partir du passé, qu'est-ce qu'il peut raisonner? Certains vont dire, ben oui, mais il faut bien qu'on serve de l'expérience. Parfait. Tu peux parler comme ça à une maudite condition, c'est que toute l'expérience planétaire, tu la connaisses. Puis que tu puisses t'en servir tout de suite. Sinon, ton raisonnement, il vaut pas de la merde. Il est jamais bon. Qu'est-ce qui peut valoir ton raisonnement s'il te manque les 99% du passé planétaire? Tu dis, ouais, mais tel peuple a fait telle chose, ça je le sais, donc ça veut-tu dire que... Puis tout le reste que tu sais pas, mais tu t'en sers même pas pour juger le futur ou le présent. Mais ton raisonnement vaut rien. Ça peut pas valoir quelque chose. Parce que pour que ton raisonnement vaille quelque chose, si tu te sers du passé, faut que tu ailles en toi tout le passé planétaire. De tout le monde, sous tous les plans, matériel, vital, psychologique, mental, toutes les inventions, toutes les recherches, toutes les guerres, tout, tout. Et là, je peux dire, connaissant le passé planétaire de A à Z, je peux dire que telle chose, c'est déjà passé, et ça s'est passé comme ça parce que ça. Mais si je connais juste des bribes du passé, comment je peux dire un tel a fait ça puis ça donnait ça? Connais-tu tout à 100% le contexte de ce général, de tous ceux qui l'ont entouré, de tous ses ennemis, de tout ce qui s'est passé, des vents de l'époque, de qu'est-ce qu'il a fait pour ses voiliers pour prendre la mer, de toutes les maladies, du chien qui a avec la rage qui a mordu un de ses sous-officiers puis qui en est hors? Connais-tu tout pour dire que présentement, nous faisons la même chose? Non. Alors donc, le passé, pour comprendre ce qui se passe présentement, ça sert à rien. C'est pas bon. Ça vaut rien. C'est une expérience, une éducation qui a permis à l'homme de cristalliser son ego, qui a permis à l'homme de se donner l'impression qu'il a des bases solides, qu'il a une certaine forme de sécurité. Ça l'a permis à l'homme de faire plusieurs choses. Ça l'a permis à l'homme de pouvoir, dans un cadre approximativement sécuritaire, de développer l'intellectuance qui lui permet de continuer à foncer vers l'avenir. Tout croche, en boitant, avec des chaises roulantes, ben des problèmes. Mais ça n'a jamais permis à l'homme de régler son avenir. L'homme s'inquiète pour l'avenir, puis l'homme pense à l'avenir parce que l'homme s'inquiète pour l'avenir. La majorité des cas. Ceux qui vont dire « Non, c'est pas vrai, je m'inquiète pas », c'est parce qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter. Mais si on leur ôte tout ce qu'ils ont dans le présent, ils vont s'inquiéter de l'avenir à maudit. La personne, lorsque l'homme devient intelligent, lorsque l'homme est capable de se dire, pas parce que dans le passé, c'est passé telle chose. Présentement, je suis assis dans ma chaise. C'est-tu intelligent, à un moment donné, de me lever et de m'en aller? Mais il y a un gars qui l'a fait, s'est fait tuer. Je suis resté dans ma chaise. Ça, c'est quand je prends le passé. Mais si j'ai pas connaissance qu'un gars s'est levé et s'est fait tuer, j'ai connaissance qu'un gars s'est levé et a gagné 1 000 000 $ à la loterie, il va me dire, ben oui, c'est intelligent. Pas intelligent, c'est intellectuel. C'est faire référence à du passé pour savoir ce qu'on aura à faire. Ça, c'est d'être assujetti en vache aux mémoires du passé, à l'astral planétaire. C'est d'être assujetti au coton, parce que je peux pas décider autrement qu'à partir de ce qu'on m'a inculqué comme éducation, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai fait. Je peux pas décider autrement. Impossible. Toutes les fois que j'ai vu un gars se lever, il s'est fait tuer, je reste assis. Mais tous les gars qui sont restés assis, qui sont morts, que t'as pas vu, t'influences pas eux autres? Ben non, je les connais pas. Fait que ta décision, qu'est-ce qu'elle vaut? Faut que tu te dises, je suis assis, il y a tel contexte, pas si je m'en fous. Comment moi, j'agis dans ce contexte? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de commencer à développer chez l'homme l'intelligence. Pas l'intellectuance, l'intelligence. Je commence à essayer d'envisager des conséquences. M'a faire des erreurs, ça n'a aucune importance. La pire que m'a faire, elle va me tuer. Ça n'a pas plus d'importance parce que rester assis puis rester assujetti au passé va vous tuer pareil. Si vous allez mourir, puis ça va vous sauver, ça va être sauvé. Mais jamais vous allez savoir ce que vous faites. Puis la journée que vous développez l'intelligence conséquentielle, bien chaque fois que vous allez prendre une décision, ça va être la bonne. Mais lorsqu'on est assujetti au passé par notre expérience du passé, on ne sait jamais si c'est la bonne. On peut juste se permettre de penser, de croire que c'est la bonne, mais on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas abouti l'événement, tant qu'on n'a pas expérimenté l'événement, on ne le sait pas. Ce qui crée encore d'autres problèmes, j'ai réglé tel problème, fait qu'on n'a pas eu à souffrir. Que t'en sais? Tu as gaspillé ton argent pour régler ça, mais si tu ne l'aurais pas gaspillé pour régler ça, le problème ne serait peut-être jamais apparu. Mais c'est le même qui marche, l'homme. Il n'est pas capable de savoir, même si un problème n'est pas expérimenté, que le problème aurait été. Vu que l'homme ne peut pas le savoir, ben l'homme, il se dit tout le temps, ben t'as fait ça pour rien. Ça, on le répète en masse de fois. Ou encore, après, ben t'aurais dû faire ça. Ben oui, maintenant qu'on l'a expérimenté, t'aurais dû. Mais si tu le fais et il n'y a pas de problème, ben t'as perdu ton temps. T'en fais trop. Si t'en fais bien trop, ton fils, il se droguera pas. Il se drogue-tu, là? Non, bon, arrête donc de t'en faire. Parfait. Quand il se droguera, tu t'en fous. C'est le même qu'on fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on sort de notre expérience. Si moi, j'ai 5 enfants, dont 4 sont drogués, bien sûr que mon 5e va se droguer. Je suis pas assez intelligent pour voir dans son énergie qu'est-ce qu'il y a de l'air, pour voir le contexte dans lequel il est, différent du contexte de mes autres fils, puis pour savoir s'il va le faire ou non. Je suis pas capable. Je vais me dire, mais les 4 l'ont fait, lui va le faire. À un moment donné, qu'est-ce qu'on faisait? On ôtait les amygdales à tout le monde. Pourquoi? Ben parce que c'était prouvé que l'amygdale, à un moment donné, elle s'enflammait, ça créait une amygdalite, ça allait opérer. Fait que tant qu'elle se fait opérer, on passe au cash. Chaque fois qu'une personne se fait opérer, on y ôtait les amygdales. Jusqu'à un jour, on a découvert que c'était pas nécessaire, que c'était utile. À un moment donné, on faisait la circoncision aux hommes. À tout le monde, pas sans problème. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, les hommes souffraient de phimosis. Alors, la religion, à l'époque, a institué la circoncision pour que l'homme ne soit pas stérile rendu à une fois adulte et pour qu'il puisse procréer. C'est intelligent. Mais lorsqu'on a inventé le savon, les débarbouillettes, la propreté, c'était plus nécessaire. Mais ça, on ne se va pas. On continue à chopper. Ça allait bien. Bon, mais c'est tout ça qui se passe. Et tant que l'homme va s'évertuer à rester un homme pisséen et pas à être un homme nouveau, pas à essayer, quand je parle de l'homme, je parle de la femme, à essayer d'être conséquentiel, d'étudier pourquoi il prend cette décision-là. On prend toujours une décision parce qu'on pense que c'est la meilleure. Mais pourquoi qu'on pense que c'est la meilleure? On va rarement plus loin que ça. On n'est pas conséquentiel. Mais c'est parce que l'expérience me dit, mais lorsque une parcelle de l'événement change puis que tu ne sais pas, ton expérience est plus bonne. Tu as une faculté d'adaptation qui te permet de t'adapter aux parcelles différentes d'événements pour adapter ton expérience. Ça va. Mais lorsque ça change subitement puis plus que tu pensais, t'es fait. Alors donc, le gouvernement tyrannique. Quand je parlais tout à l'heure de gouvernement tyrannique, je voulais bien dire que le gouvernement mondial, s'il serait instauré immédiatement, ça devrait être un gouvernement tyrannique. Parce que l'homme n'est pas conséquentiel. L'homme, il ne veut pas penser à demain, l'homme, il veut penser tout de suite. Si on parle de gouvernement conséquentiel, on commence par exemple par parler de santé. Ça coûte cher la santé, parfait. Alors, on va éduquer la population à être en santé. La population veut pas. C'est-à-dire que la population veut, mais la population veut pas payer pour. La population, elle veut être en santé. Et pour être en santé, elle va dire, fournissez 20 fois plus de médecins. Trouvez de nouveaux médicaments. Fournissez-nous des cures. Guérissez-nous. Et nous allons être en santé. Voilà. C'est ça que c'est qu'on demande. C'est pas intelligent, c'est stupide. Parce que chaque individu reste assujetti à des médecins, à des techniques de cure, à des médicaments, à de l'expérimentation. À des erreurs. Hein? Sachant qu'au Canada, l'an dernier, il est mort autant de monde dans les hôpitaux suite à des opérations non nécessaires qu'il en est mort dans les accidents d'automobile au Canada. Des opérations non nécessaires. Mais c'est ça. La population a demande des chirurgiens. On a des chirurgiens pour chirurgie. Mais si on dirait, nous allons éduquer la population à être en santé. Ça veut dire qu'à partir de X temps, on interdit la cigarette. On interdit tout ce qui est nocif dans l'alimentation, le coke, le 7-up, le paquet de Bebel. On interdit tout ce qui est nocif, puis on met sur le marché des choses qui sont bonnes. C'est moins bon au goût, on s'en fout. C'est pas le goût qu'on veut éduquer. Il est suffisamment éduqué, le goût. Tellement éduqué qu'on est capable d'épicer des viandes qui sont avariées, puis on peut manger, puis on les trouve bonnes. On n'est pas capable de savoir avec notre goût si la viande est bonne ou pas bonne. On n'est même pas capable, on fume pour la première fois, puis on s'étouffe. Mais on s'habitue. On prend de l'alcool, ça nous brûle la gorge. Mais on s'habitue, et on a un bon goût qui est développé en tabarouette, c'est super. Alors, à un moment donné, on décide pour l'homme qui est incapable, ce qui est bon pour lui. Mais on sait ce qui est bon pour lui. Puis l'homme, il ne pourra pas dire que c'est faux, il va dire que c'est vrai. Mais j'ai mon droit de choisir. La liberté du choix, c'est quoi? Mais quand le gouvernement a obligé l'homme à s'attacher après son banc, quand le gouvernement a obligé les hommes à mettre un casque quand ils embarquaient sur une moto, on a rouspété. La liberté de mourir, on n'a pas le droit de l'avoir. J'ai pas le droit de rentrer dans un char et tuer quelqu'un. J'ai pas le droit. Mais le gouvernement a décidé pour le peuple, il a dit, vous avez le droit de vous tuer. On a fait des métros pour ça. Bon, c'est pas pour ça, mais enfin, faut vous en servir. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous irez plus vous tuer dans vos chars, moins souvent, en tout cas, disons qu'on essaye lentement de restreindre. Et puis l'homme ne comprend pas. On a encore des personnes qui ne s'attachent pas parce qu'ils ont un orgueil qui dit que je suis libre. T'es libre. Je sais, j'ai été ambulancé 50 ans. J'en ai ramassé du monde libre dans le camion d'un autre, dans le fossé, et vers juste un poteau. Il était libre. Libre, ils ont partout vers mes oiseaux. C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'arrêt brusque. Ça, on le sait, c'est prouvé. Bon. Puis quand son mort est tapé dans un mur, il était libre, très mort, très libre. Très bon, très orgueilleux. Alors, des cervelles d'orgueilleux, on l'a ramassé. Mais lorsque le gouvernement a obligé le port de la ceinture parce que le gouvernement payait. C'est pour ça qu'il l'a fait, parce qu'il payait. Le ministre était peut-être humain, peut-être qu'il a compris, mais ça a passé parce que le gouvernement qui payait pour sauver de l'argent, notre achalement n'est pas l'humain. C'est créé de l'emploi, on a fabriqué de nouveaux tissus, des ceintures. Bon. C'était économique. C'était même écologique. C'était intelligent. C'était tyrannique. On a chiolé en masse. Présentement, présentement, il y a autant d'accidents. Il y a beaucoup moins de mortalité, puis il y a beaucoup moins de blessures graves. Il y en a qui se plaignent, je me suis cassé la clavicule à cause de ma ceinture. C'est vrai, pas de ceinture, t'aurais rien eu. 5 000 $ de plus, pas de ceinture, tu te tuais, fait que ta ceinture, t'avais toujours une fracture de la clavicule, le reste, elle avait, par exemple. Hein? On a un humoriste qui l'a déjà dit. Il y a un gars qui est mort, il était attaché. S'il n'avait pas eu sa ceinture, il serait pas mort. Donc, c'est une raison pour dire que ta ceinture tue. Un jour, il y a un gars qui est sauté en parachute. Le parachute, c'est pas ouvert. Il est arrivé en bas, puis il s'est pas tué. Ça veut dire que sauter pas de parachute, ça nous permet d'être vivant. Puis il y a un gars qui a sauté, son parachute est ouvert, puis il s'est tué. Sauter avec un parachute, ça tue. C'est la même chose. Fait que la ceinture, elle en a tué un, ben le gars, il a sauté avec un parachute, puis il est mort. Le parachute, ça tue. Tu sautes pas de parachute, t'es vivant. Puis il roule pas de ceinture, t'es vivant. Bon, ça, c'est la logique humaine. C'est la logique de l'expérience. Mon chum, moi, il est tombé dans un ravin, c'était plein d'eau, puis il est mort noyé parce qu'il est resté attaché. Fait que l'expérience du passé enseigne à l'homme que la ceinture est pas bonne. C'est clair. Parce que quand t'es vivant, puis que t'as ta ceinture, tu peux-tu dire que c'est ta ceinture qui t'a sauvé la vie? Ben non. Qu'est-ce qui dit que pas de ceinture, je serais pas mort? Rien. C'est ça qui est le problème d'expérience de l'homme. Il aurait eu besoin d'expérimenter la mort pour dire qu'effectivement, la ceinture l'aurait sauvé. Mais vu qu'il est vivant, il sait pas si c'est à cause de la ceinture ou à cause de son habileté à se tenir dans le volant. Il sait pas. Fait que l'homme a besoin de l'expérience. Puis tant qu'on va se baser sur l'expérience du passé pour déterminer si on est intelligent ou non, on va être intellectuel, on va être des fous, c'est des imbéciles. Là, on va avoir besoin d'un gouvernement divin pour venir diriger la planète au nom de l'homme, d'un gouvernement extraplanétaire ou de n'importe quoi. Mais effectivement, présentement, l'homme aurait besoin d'un gouvernement tyrannique parce que l'homme le sait, mais l'homme n'a pas la volonté d'appliquer ce savoir. L'homme a la volonté de se laisser appliquer. L'homme a la volonté de se laisser régir par ses émotions, par ce qui se fait chez les autres. J'embarque dans mon char, ben ma ceinture, lui, il n'aimait pas, puis il a l'air tough. Je saute ma ceinture. Puis quand on a un accident, ben la place du mort est là, le tough, il est mort. Il a toujours l'air tough, mais c'est plus laid, puis ça pue. Puis il mange mal. Alors, ce qui fait que si on regarde le gouvernement, on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est lorsque on a voulu bâtir une immense tour pour aller rejoindre Dieu. Et pour punir l'homme, la tour a été démolie et l'homme a perdu le langage qu'il avait, qui, à l'époque, prenons le... Si on regarde au niveau de la Bible, c'est quelque chose. La Bible, elle relate des faits historiques, colorés, pour permettre à ces faits d'être conservés par une collectivité religieuse, pour ne pas que celle-ci les déforme trop et les élimine complètement. Parce que c'est l'apanage de l'homme, lorsqu'il a une idée morale, de démolir. On a démoli des livres, le Troisième Reich a fait brûler des bibliothèques complètes. Alexandrie est passée au feu. On aime démolir, pour éliminer. Alors, en colorant de l'information, en rentrant dans une religion, puis en le laissant flotter là-dedans, ça se conserve dans le temps. Lorsque l'homme a été de plus en plus densifié, je vous fais fi des continents et des traditions ésotériques, il a perdu la faculté d'être télépathe. Il a fallu qu'il parle. Puis lorsque l'homme a commencé à parler, c'est pas parce que l'homme voulait aller rejoindre Dieu. C'est pas parce que l'homme s'est pris pour Dieu. C'est parce que l'ego de l'homme s'est pris pour un manipulateur puissant. Et se densifiant, il a fini par perdre la possibilité d'être télépathe. Donc, il a perdu le langage universel. Et donc, il a dû développer ses cordes vocales. Il a dû développer son chakra laryngé. Et il a commencé à parler. Mais évidemment, si nous sommes ensemble, nous parlons, nous fabriquer des conventions. Et on va arriver à s'entendre. Mais si toi, tu restes à l'autre bout, ben non, à 50 000 de moi, puis on se voit pas. Pas de téléphone à l'époque. Ben, t'inventes d'autres conventions. Puis quand on se rencontre, on est plus télépathe. On a deux langues différentes. C'est pas la même chose qui va se passer dans un gouvernement mondial. Parce que l'homme ait un langage universel sur la planète ou non, l'homme a un cerveau pour apprendre des langues. C'est le cerveau qui est le langage universel, c'est pas le centre laryngé. Le centre laryngé, c'est quelque chose. Mais le cerveau de l'homme peut atteindre ce langage universel. Il peut redevenir télépathe. Une télépathie mentale qui va permettre à l'homme d'avoir un échange instantané. Mais c'est pas une langue orale. Une langue vibratoire, possiblement. Une langue cérébrale, possiblement. Pas une langue vibratoire. Alors, ce qui fait que si on a un gouvernement mondial, premièrement, on ne doit pas le critiquer en fonction du passé. Il n'a jamais eu de gouvernement mondial. Il y a eu des régisseurs qui ont régi l'homme planétairement. Il y a eu les forces géoviques, Jéhovah entre autres, qui a été un organe pour instaurer des lois sur la planète. Donc, c'est un tyran, Jéhovah. C'est un être lunaire, c'est un être qui a évolué dans le contexte, disons, galactique, et qui a eu comme fonction d'instaurer des lois sur la planète. Il a instauré des lois. Certains, maintenant, se vouent à Jéhovah, d'autres se vouent à Yahvé, d'autres se vouent à l'islam, d'autres se vouent à d'autres choses. Mais ce contexte de loi, ce contexte légal, était essentiel. C'est un contexte tyrannique. Mais aujourd'hui, l'homme, et en passant à Jéhovah, est un être relié à l'homme. Aujourd'hui, l'homme est capable de comprendre ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Mais il ne faut pas que l'homme essaie de comprendre à partir de ce qu'il n'a pas pu faire. Il faut que l'homme s'assoie, que l'homme observe, que l'homme, de par son observation, comprenne ce qui se passe. Là, suite. Pas à partir de ce qui s'est passé. Suite, là. Quand l'homme comprend ce qui se passe là, l'homme peut dire est-ce que c'est correct ou non. Pas à partir du bien puis du mal. Pas à partir de son fichier éducation, parce que là, l'homme, il se leurre, l'homme, il se fourre. L'homme est encore trompé par le passé. Et c'est de l'avenir qu'il faut aller, pas dans le passé. Puis pas continuellement essayer de transposer notre sécurité du passé dans l'avenir pour se sentir bien. Alors, si on parle de gouvernement mondial, on ne peut pas l'aborder à partir de ce qui s'est passé. À partir d'Adolf Hitler, à partir du Troisième Reich. Ce qu'Adolf a fait, c'est zéro. Cela devait être fait parce que cela a obligé l'homme à se mélanger au niveau des races. Ce que l'homme ne voulait pas faire. L'homme était raciste. L'homme est encore raciste. Mais l'homme, il est fourré en maudit. L'homme, il est bien plus perdu aujourd'hui. L'homme, il est bien plus ramassé. Parce que l'homme, il est raciste, mais il ne peut plus dire « c'est ce peuple que je n'aime pas ». Maintenant, l'homme est obligé de dire « c'est celui-là que j'aime pas ». Parce que les races que tu n'aimes pas, ben, tes voisins en font partie maintenant. Le juif que tu haïs, il y en a dans ta rue. Le noir que tu n'aimes pas, il y en a dans ta rue. Il y en a même dans ton bloc. Alors, ça est extrêmement bon parce que ça a forcé l'homme à briser des capsules de nationalité, de nationalisme en obligeant, et ça, c'est l'Amérique qui en est le premier, qui a resplendi le premier de sa planète. L'Amérique a été construite par toutes les races. Et l'homme, aujourd'hui, est obligé de perdre ce racisme. Il le cultive encore parce qu'il s'attache à son passé. Bon, dernièrement, j'ai un de mes amis, d'ailleurs, je sais même, c'est un ami très proche, c'est mon frère, qui a rencontré un juif. Et ce juif déteste l'Allemagne. Pouvoir le faire, il aurait exterminé les Allemands. Et que reste-t-il des Allemands qui ont fait la guerre? Pas grand-chose. Ça n'a aucune importance. Mais les enfants allemands qui vivent aujourd'hui, oh, ils nous tueraient toutes. C'est des Allemands. Mais c'est ça. Il se fie à l'expérience du passé. Il se fie, et son raisonnement, il est bon. Il est bon par rapport à son point de vue. Et tant que l'homme va raisonner à partir du passé, à partir de l'ignorance qu'il a des mécanismes du passé, l'homme pense qu'il raisonne à partir de ce qu'il connaît. L'homme, il raisonne en réalité à partir de ce qu'il connaît pas. Parce que c'est tout ce qu'il ignore qui ne vient pas colorer sa décision. Et si l'homme connaîtrait tout le passé, il serait bien différent. Parce que le juif qui déteste tous les Allemands ne connaît rien de l'Allemagne. Il ne connaît rien de ce qui a motivé l'Allemagne. Il ne connaît rien du sionisme. Il ne connaît rien de tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Il ne connaît rien de toutes ces religions qui ont barbarement converti les autres par la force. Il ne connaît rien de rien. Il ne connaît que ce que l'histoire, que ce que la propagande sioniste, que ce qu'il connaît. Et tout le reste, il ne le connaît pas. Et au nom de ce qu'il connaît, il dit que l'avenir devrait être telle chose. Imaginez-vous qu'on n'est pas fort. Quand je vous dis que vous êtes assis sur vos chaises, et vous avez un jour une décision à prendre, pourquoi on doit toujours se référer au passé? C'est parce que vous refusez de vivre ce que vous êtes. Vous refusez d'être des êtres intelligents. Et automatiquement, vous n'êtes pas des êtres intelligents. Qui êtes-vous? Qui suis-je pour? Ben, vous êtes suffisamment puissant pour le faire. Mais vous êtes trop con, souvent, pour admettre que vous êtes puissant pour le faire. L'homme n'est pas un imbécile. L'homme n'a pas besoin d'un gouvernement extraplanétaire. L'homme n'a pas besoin d'un gouvernement divin. L'homme est suffisamment capable de le faire. Sauf que l'homme préfère se dire, ben, mais j'ai pas l'éducation, j'ai pas l'expérience. D'un coup, je me tromperais. Ben, trompe-toi donc. Tant qu'à te fier à l'expérience trompeuse des autres, bien, fie-toi au moins à la tienne. Puis quand tu vas être capable de t'asseoir puis de regarder ce qui se passe, puis d'essayer de prendre des bribes d'informations dans l'avenir ou dans le présent pour pouvoir déterminer une lignée dans l'avenir de ce qui devrait être fait, tu vas être intelligent. Puis ça se cultive tout seul, vous n'avez rien qu'à le faire. C'est facile. Alors donc, prendre le passé pour essayer de déterminer ce que pourrait être un gouvernement mondial, c'est pas juste. C'est pas correct, c'est de décolorer, c'est de dénaturer une possibilité qu'a l'homme. Dans le passé, l'homme ne se prenait pas en main individuellement. Alors, ne prenez pas ce qui s'est passé dans le passé, où l'homme était réellement assujetti à une collectivité, pour savoir, pour comprendre comment l'homme va vivre lorsque l'homme va être individuel. Un gouvernement tyrannique mondial, comme il va en avoir un dans l'avenir, ne sera pas tyrannique. J'ai bien dit qu'il serait tyrannique si on l'instaurerait aujourd'hui. Il ne sera tyrannique... Il ne sera pas tyrannique pantoute, parce qu'il sera suffisamment vicieux pour faire croire à ceux qu'il gère qu'il est d'accord avec ce que les autres veulent. Puis il sera suffisamment propagandiste pour convaincre l'homme que ce qui n'est pas bon pour lui est pas bon pour lui. Puis il sera suffisamment hypocrite pour convaincre l'homme que ce qui est bon pour lui est bon pour lui. C'est ça qu'il va faire, le gouvernement mondial. Il sera pas tyrannique. Il n'ira pas avec une arme à feu dire « Ton vol de pilote que tu prends, il n'est pas bon. Il y a du sulfure de calcium dedans. T'en prends plus, sinon je te tue. » C'est pas ça, le gouvernement mondial intelligent. Ça sera pas tout. Mais lentement, il va trouver des mécanismes économiques qui vont permettre à la compagnie qui met du sulfure de machin chouette dedans parce que le vol de pilote, il a un meilleur goût. Il va trouver des mécanismes économiques qui vont permettre à ce bonhomme-là de ne plus en mettre. Parce que la population, lorsqu'elle va décider qu'elle achète plus des choses mauvaises, bien, le gars ne vendra plus de bol de pinot. Il va falloir qu'il se transforme. Ça, c'est la collectivité, c'est l'homme, c'est vous autres. Okay? Mais ce pouvoir-là, un pouvoir, une puissance incroyable, une puissance terrible, et qu'on ne veut pas, on ne veut pas vous instruire que vous avez cette puissance-là pour la simple raison qu'elle est trop forte, la puissance. Alors, si un jour, vous avez des... Qu'est-ce que c'est d'être intelligent? Mais c'est facile, c'est simple, c'est trop simple, mais c'est simple. Regardez simplement ce qui se passe dans votre alimentation chez vous. C'est terre à terre. Commençons terre à terre, parce que c'est ça qui vous permet de réfléchir, c'est comment vous êtes nourri. Ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est pas bon? Certains vont dire, ouais, mais un jour, la science dit que c'est pas bon, puis deux ans après, la science dit que c'est bon. Je le sais, c'est évident. Mais c'est pas grave. Permettez-vous ce genre d'erreur. Permettez-vous-le. Puis plus il y aura de monde dans la société qui va permettre ce genre d'erreur, mais moins ça va coûter cher à l'individu qui va vivre l'erreur. Alors vous regardez et vous éliminez tout ce qui n'est pas bon. Faites rien que faire ça quand vous rentrez chez vous, là, puis commencez à diviser votre garde-robe alimentaire en deux. Ce qui, officiel, est bon pour la santé et ce qui est douteux ou pas bon pantoute. Facile d'être intelligent. Agissez en fonction de ça. Puis là, vous allez découvrir c'est quoi l'astral, puis c'est quoi la manipulation, parce qu'il y a des choses que j'allais dire, bon, de temps en temps, un petit luxe, hein, c'est pas grave. Puis ça, ben ça, c'est 15,95 le bocal. Je suis pas pour le jeter. Puis ça, ben checkez bien, vous allez découvrir c'est quoi la manipulation, puis qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'intelligence ou d'intellectuance. Là, vous allez raisonner pour trouver une excuse à ce qui est pas bon. Puis l'intelligence n'est jamais diplomate. Il y a seulement la psychologie qui est diplomate. Elle va dire, mais ça, c'est pas si grave, ça, c'est moins bon, puis vous allez voir qu'il n'y aura pas grand-chose, en fin de compte, qui sera pas bon. Quand, au départ, bien, des choses, c'était pas bonne. Puis regardez tout votre plan de vie, présentement. Faites juste, puis c'est pas compliqué, ça casse pas la tête. Faites-le de temps en temps. Vous savez qu'on a une tradition au Québec, qui est une tradition, ça fait qu'on l'a fait par tradition, on l'a fait pas parce que c'est intelligent, parce qu'on comprend quelque chose, qui fait qu'au jour de l'an, on prend des résolutions. Et le 5 de l'an, ben, on oublie. Ça fait partie de la tradition. C'est traditionnel d'en prendre et de les oublier. Puis on peut se permettre d'en prendre parce qu'on sait qu'on n'est pas tenu des maintenir. Soyez intelligent, 5 secondes dans votre plan de vie, dans n'importe quoi! Continuellement. C'est pas nécessaire de voir ce que le voisin fait. Vous êtes capable de savoir. Vous êtes capable de vous asseoir, de regarder, d'observer, de ramasser de l'information. Je devrais-tu acheter un chat ou un chien? Bien, observez. Puis si vous vous trompez, bien, vous vous tromperez. Puis vous retournerez le chat puis le chien, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mais si vous allez voir la voisine pour savoir... Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais si vos trois voisins en ont eu puis ont eu des problèmes, j'en aurais pas. Puis si vos trois voisins en ont eu puis adorent ça, j'en aurais un. Fait qu'est-ce que vous allez avoir pris une décision réelle ou non? Vous aurez rien pris comme décision. Ça dépend juste de l'information que vous allez aller chercher. C'est juste ça qu'on dépend. Mais si mais vous êtes capable de vous asseoir sur votre fauteuil, si vous en avez un, et puis de réfléchir, d'étudier, de regarder les conséquences. Certains hommes vont dire c'est trop long, c'est trop fatigant, ça prend trop d'énergie. Ben, c'est pas vrai. Ça en prend au début parce que l'homme n'est pas habitué. Mais à un moment donné, ça devient facile, ça devient sine qua non pour l'homme, pour que l'homme fasse quelque chose. Alors, le gouvernement mondial, il ne sera pas tyrannique. Il serait tyrannique présentement si on l'instaurerait. Il serait en guerre contre l'homme, mais il va... C'est peut-être pour reprendre le contrôle de ce corps désordonné. Alors, si on place une tête sur un corps pas de tête, le corps, on connaît ça en médecine, va refuser la greffe. Il va lutter, il va la détruire, la greffe. C'est ce que tout à l'heure je vous disais. Si on prend un gouvernement présentement intelligent et qu'on l'instaure dans un contexte social, au Québec, au Canada ou sur la planète, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que le gouvernement ait une force militaire extrêmement puissante. Donc, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas écologique. On n'est pas pour commencer à tuer l'homme au nom de l'intelligence humaine. Ça n'a aucun sens. C'est pas intelligent, c'est stupide. Ça, c'est de la morale. Ça, on peut devenir fanatique là-dedans. On peut décider qu'au nom de l'intelligence, on tue l'homme. Comme on peut dire qu'au nom de la vie humaine, on tue l'homme. Bon, ça, on en a fait souvent. On a vécu cette expérience-là souvent. Et à un moment donné, oublions-la, faisons-la pas, mais commençons à être intelligent. On n'a pas besoin de savoir qu'on l'a fait ou pas la refaire. Si tu es intelligent de le faire, non. Que ça ait été fait ou pas, on s'en fout de passer. On n'en a pas besoin. Alors donc, si on prend... Présentement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le peuple, le corps qui parle, que la personne parle, ce corps devra créer une tête. Il n'y a pas de tête qui va apparaître sur le corps tant que le corps n'aura pas créé une tête. Tant que le peuple d'un pays ne sera pas suffisamment conséquentiel, ne sera pas suffisamment intelligent, il ne pourra pas avoir de gouvernement intelligent. Le gouvernement est placé là par le peuple. Et si on a un gouvernement dictatorial qui renverse la place, qui renverse le gouvernement en place et qui s'instaure, ça ne marchera pas non plus. Parce qu'on a, ça marche dans les pays sous-développés, mais quel gouvernement intelligent va aller se placer au Bangladesh? Il n'y a rien à faire au Bangladesh. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas remonter le peuple parce qu'il n'y a rien pour le faire. Un gouvernement intelligent devrait se placer dans un endroit où il y a de la puissance. Parce que le contexte planétaire va être amélioré par la puissance, c'est-à-dire par ceux qui ont de l'énergie. Pas de l'énergie pétrolière, de l'énergie totale, mentale, vitale, matérielle, toutes les formes d'énergie. Où est-ce qu'il y a de la puissance? Pas de la puissance égoïque, la puissance réelle. Alors donc, si présentement ici on a un gouvernement qui bouleverse le gouvernement canadien, un gouvernement militaire qui prend la place, bien on est suffisamment énergisé dans notre expérience, dans notre liberté illusoire potentielle, qu'on va nous-mêmes créer une guérilla pour avoir renversé le gouvernement. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas, et ça ne se fera pas comme ça, on ne peut pas imposer à l'homme un gouvernement mondial, on ne peut pas imposer à l'homme un gouvernement intelligent, il va falloir que la Terre se prépare. Que ce soit l'apocalypse qui prépare la Terre, que ce soit l'homme qui, par son intelligence, prépare la Terre, que ce soit des cataclysmes, que ce soit ce que vous voudrez. Mais présentement, l'homme n'est pas prêt à ce qu'on instaure un gouvernement mondial, ça c'est évident, et l'homme n'est pas prêt à ce qu'on instaure un gouvernement intelligent. Ça va se faire. Vous avez juste l'homme, la collectivité, l'homme individuel a juste à s'asseoir chez lui, sur ses fesses dans sa chaise. Pas ses fesses d'un autre. Bon, pour réfléchir, c'est sa nuit. Il s'assoit sur ses fesses, dans son corps, il est lui-même, et lui-même observe ce qui se passe dans sa vie, et lui-même essaie de voir pourquoi ça se passe dans sa vie. Il va voir que c'est un peu à cause des autres. Bien, à cause des autres, c'est l'écosystème dans lequel il vit. C'est le système écologique dans lequel il vit. Et il ne peut pas dire c'est la faute de l'autre. Il peut dire que l'autre agit comme ça parce que c'est ce qu'il fait, puis moi, je n'ai pas prévu qu'il était pour le faire. Et en fonction de ce qu'il fait, je vais agir de telle manière. Regardez simplement. Combien de personnes parmi vous, de temps en temps, prennent des voyages avec quelqu'un d'autre? Ou font des affaires avec quelqu'un? Ou sortent avec quelqu'un, ou couchent avec quelqu'un, ou font quelque chose avec quelqu'un, et qui après disent, elle n'a pas changé, où il n'a pas changé, qui est toujours pareil. Toutes les fois que je voyage avec, c'est la crise, c'est la chicane. Toutes les fois que je couche avec, dans le matin, c'est ici, c'est ça, il me demande un mariage. Il n'a pas changé. Puis on chiale. Mais vous le connaissez, cet individu-là. Si vous faites une relation avec un voyage en affaires, en amour, n'importe quoi, vous connaissez le contrat que vous prenez avec. Pourquoi vous chialez après que lui a respecté son contrat? Si vous voyagez avec quelqu'un, puis tous les fois vous arrivez dans un autre pays, à pogner les touristes, et vous n'aimez pas ça, mais voyagez plus avec. Chialez pas qu'elle change pas. Vous le savez d'avance qu'elle a ça. Puis vous prenez, puis vous y allez, puis après ça, vous l'engueulez. Bien, c'est ça que l'homme, c'est même que l'homme fonctionne. On s'allie avec un parti alors qu'on connaît le parti et on espère qu'il ne fera pas comme d'habitude. C'est bien qu'on marche. On espère. Mais si l'homme s'assoit dans sa chaise, il ne dira pas c'est à cause de lui que je suis malheureux. Non. Tu sais comment qu'il est, tu veux voyager avec, bien, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Mais prévois-le comme du monde, tu n'auras pas à chialer si ça se passe. C'est convenu, tu vas dire bon, parfait, là, il commence à critiquer, à chialer, et c'est ta bonne chose. Hein? J'avais prévu, c'est bon. Puis là, vous pouvez prévoir quelque chose pour lui expliquer. Là, vous pouvez être conséquentiel. Et vous ne serez pas malheureux parce que c'est crime. Vous avez raison. Mais tant que l'homme s'évertue continuellement à espérer que l'autre va changer, selon ce que ses goûts à lui, selon ce qu'il veut, il n'est pas conséquentiel. Alors donc, on ne peut pas placer un gouvernement conséquentiel sur un peuple qui ne l'est pas. C'est impossible. C'est impossible, ça ne se fait pas. Il va falloir que le peuple mute. Qu'il y a une mutation du corps pour qu'une tête apparaisse. Et la tête ne sera pas un gouvernement comme on le conçoit, ça va être un gouvernement qui va surtout servir à coordonner des efforts, à coordonner des travaux, parce que le peuple intelligent va savoir ce qu'il y a à faire, va savoir pourquoi il faut le faire. On n'aura pas besoin de police pour dire à quelqu'un qu'il doit faire quelque chose. Il y a une seule intelligence, il y a une seule écologie, il n'y a pas 50, il y en a une. Puis il y a une diversité dans le reste. Présentement, on est dans le reste. Et on ne peut pas obliger l'homme qui ne peut pas comprendre l'écologie. Imaginez-vous, moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un chalet dans le bois, en plein bois, et qui avait un poêle à bois. Et c'était son malheur. Alors, il sortait de temps en temps, l'hiver, et il allait couper l'arbre dans sa cour, l'autre arbre là, l'autre arbre là, l'autre arbre là, c'est vrai ce que je vous compte là. Et aujourd'hui, il a un chalet, puis il n'y a plus d'arbre. Puis il ne va plus à son chalet parce qu'il est paresseux. C'est pour ça qu'il coupait les arbres dans sa cour. Mais comme il n'y a plus d'arbre dans sa cour, les autres arbres sont trop loin. Ben, il ne tient pas à aller couper là-bas, il va traîner jusque-là. Fait que là, il cherche une terre pour se bâtir un autre chalet. Il trouve que c'est conséquentiel. C'est intelligent, c'est logique. Mais c'est pas conséquentiel. C'est conséquentiel dans son petit monde de lui, où si lui est capable de faire fi de l'écosystème extérieur, ce qui est stupide, ben là, il va dire c'est correct. Moi, j'ai de l'argent. Ben, je fais un chalet, je coupe mes arbres. Puis d'arbres à couper, ça reste trop loin. Pas de problème. Je déménage, je vais à mon chalet. Je m'achète un autre chalet, je coupe mes arbres, puis quand j'ai plus d'arbres, je déménage. Le gars, il se trouve conséquentiel, il se trouve intelligent. Mais c'est pas intelligent parce que le gars vit en faisant fi de l'extérieur, des autres hommes. Si tout le monde fait ça, il n'y en a plus. Le gars va dire, ouais, mais tout le monde ne le fait pas, puis il y a même des nègres qui plantent des arbres, qui reboisent. Alors pourquoi je m'en ferais? C'est sûr que si on pense de même, il n'y a pas de problème. On continue à vivre dans le charabia, dans le mélange, dans le chaos, c'est même le cas de le dire, pour la simple raison que on se permet d'avoir différentes raisons, différentes idées raisonnables, différentes intellectuances qu'on ose appeler intelligence. On a différentes raisons. On a différents points de vue et au nom de la liberté de l'homme, de l'ego dans l'homme, pas la liberté de la planète, pas la liberté des insectes, pas la liberté des oiseaux, pas la liberté des montagnes, pas la liberté des richesses, non, aucune liberté. Au nom de la liberté des désirs émotifs de l'homme, au nom de la liberté des peurs émotives de l'homme, au nom de tout ça, c'est qu'au nom de tout ça qu'on travaille, qu'on évolue. Au nom des peurs de l'homme. Au nom de ses désirs psychologiques. On a fait des guerres au nom de liberté. La liberté dans l'homme. J'ai peur que l'autre m'attaque. Je vais rester libre. Je le tue. C'est pour ça qu'on parle de liberté. Mais ça, c'est pas de l'intérêt, c'est pas de l'écologie. Et si l'homme est écologique, l'homme est obligé de raisonner en fonction de l'extérieur. Je veux être libre, je veux traverser la rue quand ça me tente. Traverse-la. Puis un jour, ben, tu ne traverseras plus. À force de passer, ça va être passé. Bien fort, pour t'avoir aidé. L'homme doit faire attention à l'écologie et il ne doit pas bouleverser l'écologie en fonction de ses désirs. Il doit bouleverser l'écologie en fonction de tout ce qui fait partie de l'écologie. J'améliore tout ou je touche à rien. Mais ça, le gouvernement mondial, le gouvernement intelligent, c'est ce qu'il va faire. Il va tout améliorer ou il va toucher à rien. Il apparaîtra pas. Alors, il rentrera pas en guerre contre des pays. Il ira pas tout démolir. Parce que là, il ira pas prendre le désert du Sahara pour en faire un jardin ben Éden. L'homme voit les déserts et l'homme se dit, on devrait avoir un paradis terrestre dans ces déserts. C'est bien correct. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le désert, c'est une grande, grande plateforme jaune qui est chaude. Et si c'est chaud, ben ça chauffe l'air. Puis si ça chauffe l'air, ben l'air chaud monte. Puis si l'air chaud monte, ben l'air froid vient. Puis si l'air froid vient, ça crée des vents. Puis si ça crée des vents, ça crée aussi une espèce de climat. Sur la planète Terre, ça l'aide. Il y a d'autres choses qui créent ça. Mais il y a tellement de choses que présentement, l'homme a toutes ces connaissances-là. Alors l'homme, s'il réfléchit en fonction de la société planétaire, au lieu de réfléchir en fonction de lui-même ou de sa gang, il n'y aura aucun problème. Puis vous êtes capable d'être intelligent. L'homme est capable. Il y a un germe au Québec surtout. L'homme est capable de s'asseoir puis de regarder en fonction de ce qu'il veut puis de ce qu'il ne veut pas. Mais présentement, l'homme ne le fait pas. L'homme fait trois quarts ce qu'il ne veut pas puis un quart ce qu'il veut. Puis ça encore, c'est quand ça va bien. Ici, il est demandé si le gouvernement mondial sera-t-il modifié ou changé par la venue du Christ. La venue du Christ, ça peut être interprété de bien des façons. Une façon qui me plaît pour répondre à la question, le Christ, c'est une énergie christique. Et la personne qui est investie de l'énergie christique est un Christ. Comme le dit André, c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Ceux qui font mal, c'est des Christ, ceux qui font bien, c'est des bons diables. Mais alors donc, on a eu à un moment donné un être, Jésus, le Nazaréen, qui a été investi de l'énergie christique. Il est donc devenu le Christ. Et lorsqu'il est devenu le Christ, c'était le temps qui commence à s'occuper des choses de son Père, ce qu'il a dit. Mais avant ça, c'était pas le temps. Il connaissait l'énergie christique, énergie qui peut être appelée énergie supramentale présentement. Et lorsqu'il a été investi de cette énergie christique, il a commencé à faire les choses de son père. Les choses de son père, il s'adressait évidemment à une collectivité qui avait besoin d'un père. Le retour du Christ, c'est surtout la réapparition de l'énergie christique sur la planète Terre. Et non pas un être biologique qui va s'en venir et qui va pouvoir dire « Je suis le corps du Christ ». On aura un corps biologique qui pourra dire « Je suis le Christ ». Mais on n'aura pas un corps biologique qui va dire « Je suis le corps du Christ ». Pas le corps de l'ancien temps. Maintenant, une chose qui est importante, et les religions ont mis en garde l'homme sur tous les faux prophètes, sur tous les faux Christ, sur tous les Christ de Christ. Mais il se trouve aussi que ces religions qui ont aidé l'homme à évoluer, vont tout faire pour empêcher l'homme d'aboutir. Et là, je veux sauter un peu là-dessus ce soir, étant donné qu'on n'aura pas le temps, disons, de trop l'élaborer. Et malgré que le disant comme ça, sans l'élaborer, ça peut permettre à différentes personnes de penser bien des choses. Mais il n'y aura pas un retour de Christ, il y aura le retour de l'État christique sur la planète Terre, et il y aura immensément d'êtres humains qui seront investis de l'énergie du Christ, de l'énergie christique, pour être plus précis. Alors, ce qui fait que le gouvernement mondial va être un gouvernement régi par l'énergie de l'intelligence active, l'énergie, disons, christique. Ce sera un gouvernement qui sera régi par l'énergie christique. Est-ce que le magistrat suprême sera Jésus-Christ? Ben, il n'y aura pas de magistrat suprême. Il n'y aura pas besoin de magistrat suprême. C'est pas nécessaire. Alors, le gouvernement mondial va être instauré par l'énergie christique sur le plan planétaire. Ce ne sera pas un gouvernement, il sera humain. Parce que faites bien attention que l'homme est quelque chose de supérieur à ce qu'il croit et que l'homme n'a pas Dieu en lui, mais que l'homme est un Dieu. Présentement, l'homme est un esclave. L'homme va devenir un Dieu pour ce qui, présentement, l'esclavagie. Les dieux de l'homme vont un jour servir l'homme parce que l'homme sera leur Dieu. C'est un inverse qui va se passer. Alors, au lieu de prier, ben, on va se faire prier. Alors donc, le gouvernement mondial sera-t-il modifié ou changé par la venue du Christ? Le gouvernement mondial va apparaître seulement et exclusivement lorsqu'il y aura suffisamment d'hommes intelligents sur la planète. Et lorsque je parle d'hommes intelligents, je parle d'hommes conséquentiels. Je parle donc d'hommes écologiques. Qui dit écologique dit connaissant d'un plan présent et échelonné dans l'avenir. C'est ça d'écologique. C'est de savoir que si tu fais quelque chose, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça, et c'est bon. Donc, l'homme intelligent est un homme qui va être en relation avec le plan écologique que nous appelons spirituellement le plan divin. Et lorsqu'un homme est en relation avec le plan divin, lorsque l'homme est intelligent, lorsque l'homme est conséquentiel, ben, l'homme est investi de l'énergie christique, du savoir instantané. Alors donc, le gouvernement mondial ne changera rien, la venue du Christ ne changera rien, les deux sont la même chose. Je parle évidemment de l'énergie christique. Si certains veulent et attendent la venue d'un Messie, mais il va avoir un problème parce qu'il va y avoir plusieurs Messies. Puis qu'ils vont se contredire. Spécialement pour plaire aux prophéties. Pendant que tu es dans ce sujet-là, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de répondre à ça, mais c'est quel lien qu'on pourra faire avec le gouvernement mondial et le Québec? Puis les personnes qui ont cette parole, comme disait Nostradamus, qui est tranchante, qui tranche le vrai puis le faux puis tout ça, tu sais, si tu s'embarquer dans du oui, délicat, c'est que l'homme est tellement habitué, l'homme a tellement été instruit à être médiocre qu'on ne peut pas dire à une race, à une partie de race, on ne peut pas dire à une petite collectivité que c'est entre ses mains que repose telle chose. Si on peut dire à une race, parce que la race, il y a suffisamment d'individus dans une race pour dynamiser un égrégore qui va faire que la race, elle devient une race élue. C'est un peuple élu. C'est un peuple de Dieu. Et si on parle à une parcelle de cette race et qu'on dit qu'elle était un peuple de Dieu, elle ne pourra pas le croire parce qu'elle a trop été entraînée à ne pas croire à ça. Alors, il faut que tout le monde y croit pour qu'elle l'accepte. C'est l'intelligence collective, l'intelligence collective. Alors, de dire qu'au Québec va naître le monarque, de dire qu'au Québec va naître la race qui va instruire le monde, de dire qu'au Québec, c'est une terre pas sainte, mais c'est une terre privilégiée, c'est compris, c'est accepté par certains qui ont un orgueil national, une fierté québécoise. C'est refusé par d'autres qui ont un orgueil place ailleurs, mais c'est rarement compris par un être québécois intelligent qui comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Alors, si on parle de gouvernement mondial en relation avec le Québec, bien évidemment, on pourrait s'avancer dans des mécanismes qui pourraient redynamiser l'orgueil de certains. Et c'est dangereux, parce qu'au nom du Québec saint, on peut faire une guerre sainte. Comme l'Allemagne saint. Puis bloquer le germe qui est en train de naître aussi. Oui. Alors, exactement. Parce que l'Allemagne est entrée dans une guerre sainte, mais l'Allemagne, à l'origine, avait un contexte presque intelligent. Il y avait des connaissances, les autres avaient compris l'intelligence de la science. Pourquoi avoir une science? Comment améliorer l'intelligence de l'expérimentation? Hein, il y a fait des expériences. À un moment donné, à cause de la guerre sainte, ils l'ont fait sur les hommes. Mais à l'origine, ils avaient compris les mécanismes de l'amélioration d'une race. Ils l'avaient compris. Et l'Allemagne a failli être un berceau. Mais ce n'était pas le temps, l'humanité n'était pas prête, elle a servi à d'autres choses. Ceux qui ont servi l'Allemagne ont servi en réalité le peuple planétaire. Mais à leur insu. Mais le Québec ne doit pas, on doit faire attention avec ce genre de choses, parce que si, que ce soit vrai ou que ce soit faux, si on dit que le Québec va être l'un des États souverains, donc, relié au gouvernement mondial, on peut dynamiser suffisamment d'individus pour lancer un djihad, donc une guerre religieuse, une guerre sainte, au nom, encore une fois, de l'intelligence, au nom de la sainteté, au nom de tout ce que tu voudras, parce que ça, les noms, on en trouve tout plein, pour donner des raisons d'être, et on risque de créer des conflits qui vont éliminer ce noyau. Ce n'est pas une race fière qui doit diriger le plan planétaire, c'est une race intelligente qui comprend ce qui se passe. C'est pas une race orgueilleuse, c'est pas une race derrière, c'est pas une race humaine dans le sens moral, humaine dans le sens d'une race qui souffre pour les autres. pas une race de débiles qui va diriger le planétaire. C'est une race intelligente qui comprend l'intelligence de la souffrance puis l'intelligence de ne plus souffrir. Et lorsqu'un être apprend dans la souffrance, tu le laisses souffrir, tu lui tends des petites pièces pour qu'il puisse s'en sortir, mais c'est tout. Tu l'investis pas avec tes armées ou avec tes prêtres ou avec tes propagandistes pour lui dire qu'il est complètement con. Le peuple qui, présentement, a besoin de souffrance pour purifier ce qu'il fait souffrir, tu le laisses souffrir, c'est normal. L'homme qui souffre, qui vient me voir puis qui me dit « solutionne-moi mon problème », ben moi, je lui dis que, présentement, ce que tu fais, c'est bien bon. Continue, tu vas t'en sortir, puis c'est vrai. C'est vrai qu'il va s'en sortir. Puis quand l'homme va arriver avec une solution, il va me dire « ça me tente de faire telle chose, qu'est-ce que t'en penses? » J'en pense ça a bien de l'allure. J'ai pas, moi, à décider pour l'autre ce que l'autre va faire. Tant que lui n'a pas l'intelligence de le décider, c'est qu'il est sur le chemin pour développer cette intelligence-là. Alors, je peux pas arriver puis lui dire, ben ce que tu devrais faire, c'est telle chose. Il a pas l'intelligence pour le faire. Oui, il fera pas. Oui, il va le faire parce qu'il me voue un culte. Parce qu'il me fait confiance, si vous préférez. Mais c'est la même affaire. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque tu entends quelque chose qui te semble intelligent, bien c'est peut-être parce que tu es investi de ton énergie et tu as suffisamment d'énergie, de ton intelligence à toi, pour voir la clarté ou l'intelligence de ce que l'autre dit. Mais c'est simple, l'intelligence, c'est simple. De tout connaître, c'est pas parce que l'homme, à un moment donné, réfléchit qu'il va être capable de réparer son char. Il va être capable au moins de voir bien des choses, puis il va être capable à la longue d'apprendre à faire la mécanique. Mais s'il n'y en a pas besoin, c'est pas grave. La société qui fait que tu as un mécanicien pour aller faire réparer ton auto, c'est toujours, c'est quand même intelligent. Mais à la condition que tu sois au moins capable de vérifier tes voyants lumineux quand tu allumes ton char, de ne pas pomper 20 coups, tu sais, il y a des choses que l'homme fait qui sont en panne, le batterie total, ils ont laissé la lumière éteinte. C'est pas en faute du mécanicien, ça. Je sais bien que la science pourrait inventer une batterie qui marche sans vent. Pour éviter que quand tu laisses tes lumières allumées dessus, ben que tu aies une panne de moteur. Mais à la place, on devrait avoir des hommes intelligents qui sont conséquentiels, qui sont capables de gérer leurs affaires. En fonction de l'écosystème, ton auto, elle fait partie de ton écosystème. T'as pas d'essence, elle tombe en panne. T'as beau chialer, elle tombe en panne. Il y a plusieurs choses. Continuellement, tu dois travailler en fonction des autres. Pas en fonction d'aider l'autre. En fonction, mais ça, on va voir ça la semaine prochaine, surtout au niveau des échanges d'énergie, en fonction qu'un équilibre s'installe entre toi et l'extérieur. Pas entre toi et l'autre. Entre toi et l'autre. L'autre fait partie de l'extérieur. Mais entre toi et l'extérieur. Dernièrement, on faisait l'équitation, on arrête quelque part, on descend, et là, je monte une espèce de plante qui se mange. C'est un concombre sauvage. Médéole de Virginie. Et c'est l'horizon qui se mange. Mais il se trouve que c'est extrêmement bon. Et puis en plus, disons, de temps en temps, certaines personnes veulent avoir des preuves que je connais les plantes qui se mangent. Hein? Bon. Alors, moi, je débarque, je regarde, et il y en a juste un. Alors, je leur dis que ça se mange, et puis on n'en mange pas, parce qu'il y en a un, j'en vois pas d'autres. C'est d'être écologique. C'est d'être capable d'être en relation avec l'extérieur. Mais j'aurais pu dire, ouais, mais l'écologie psychologique, bon, ben, arrache-le, fais-le goûter, ils vont se faire ma boîte. Ouais. Mais c'est pas écologique, parce que je n'ai 45 autres, ils ne croient pas, puis je n'ai plus de plantes. Et puis, si un jour, on en a besoin, on n'en a plus. Et puis, même si on n'en a pas besoin, il y a des espèces qui en mangent, on n'en a plus. C'est comme l'ail des bois, par exemple, qui prend 7 ans avant d'être fécond. Bien, on en a décimé. Mais c'est comme plein de choses comme ça. Alors, l'homme doit vivre en fonction de l'écosystème qui l'entoure. De l'extérieur. Alors, l'extérieur, ça comprend tout ce qui se passe dans ta vie, ça comprend ce qui se passe dans ton corps, ça comprend ce qui est à l'extérieur de ta conscience, ça comprend tout. Et la relation qui se passe entre l'homme et l'extérieur est un critère d'intelligence. On demande ici, si je ne vote plus, qu'est-ce que ça fait en tant qu'individu? Faut faire attention, si l'homme ne vote pas et qu'il ne se présente pas au vote, il vote pour le parti en place. Donc, si l'homme ne veut plus voter, il doit aller annuler son vote. Et que la personne étudie simplement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vote, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on annule un vote à l'échelle sociale, à l'échelle politique, ça devrait être bon pour savoir ce qu'il y aurait à faire. Est-ce que l'ONU ne serait pas un exemple de la monarchie? Bon, l'Organisation des Nations Unies est une extraordinaire, c'est une belle tentative planétaire d'allier l'homme. Maintenant, elle est venue au monde après un holocauste, après une apocalypse limitée. Parce que le terrain était fécond à la naissance d'une tentative de gouvernement mondial. Est-ce que cela veut dire que l'apocalypse est nécessaire pour qu'un vrai gouvernement mondial s'instaure? Absolument pas. On a qu'à l'instaurer. Pas besoin de nous le faire pousser dans le derrière. Par contre, si on ne l'instaure pas, ben là, il va se passer des choses parce que les gouvernements, entre eux, n'arrivent pas à s'entendre. L'Organisation des Nations Unies a comme problème que toutes les nations n'y sont pas unies. Donc, elle parle au nom d'une grosse quantité de nations, mais pas au nom de tout le monde. Ce qui fait qu'elle a besoin de forces militaires pour investir la paix dans des pays en guerre. Elle a besoin d'un quorum électoral. Et tout à l'heure, on parlait encore de ce que c'était que l'électorat. Alors, lorsqu'on a une solution intelligente pour régler un conflit quelque part et qu'on n'a pas un quorum, ben évidemment, la solution intelligente, on la relègue ses tablettes. Puis le conflit continue. Et c'est une chose qui est bonne. Ce n'est pas un gouvernement mondial. Certaines tendances ésotérico-morales tendent à faire en sorte que l'homme pousse l'ONU. On a, par exemple, ici au Québec, une organisation reliée, par exemple, au livre d'Alice Bailey, qui tend à essayer de soutenir l'ONU. Je ne dis pas qu'Alice Bailey et ses livres le soutiennent, mais on a une organisation ici qui tend, disons, à le faire. Et ce n'est pas mauvais de soutenir l'ONU. La seule chose, c'est que l'homme ne doit pas s'intéresser à l'ONU. L'homme doit s'intéresser surtout à être intelligent lui-même. Seul, individuel, tout seul, chez lui. Et travailler en collaboration. Maintenant, le gouvernement mondial ne sera pas similaire à l'Organisation des Nations Unies. C'est une chose qui est bonne, qui a permis, et ça c'est cosmiquement, donc c'est ésotérique, ce n'est pas reçu, évidemment. L'ONU, elle a eu comme fonction, surtout, de préparer ce qui s'en vient. C'est-à-dire qu'elle a empêché les tensions militaires, les tensions guerrières, de s'exprimer. Et empêchant ces tensions guerrières de s'exprimer, l'ONU a quand même condensé, c'est-à-dire qu'elle a permis l'accumulation de tensions énergétiques militaires extrêmement puissantes. Ce qui un jour peut dégénérer en conflit militaire armé planétaire. Maintenant, l'ONU est là. C'est l'ombre d'un gouvernement mondial. Maintenant, elle a des fonctions ésotériques qui sont beaucoup plus... qui ne plairaient pas si on les connaîtrait. D'ailleurs, les dirigeants de l'ONU ne le connaissent pas non plus, mais cette organisation existe pour certaines choses. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une monarchie. L'ONU, c'est quelque chose de diplomatique qui demande l'appui de tous les pays et le gouvernement mondial n'aura pas besoin de l'appui des pays parce que le gouvernement mondial qui sera instauré lorsqu'il n'y aura presque plus de pays. Soit parce que les nations vont se fusionner, soit parce que les nations vont se détruire. Mais un gouvernement mondial ne peut pas être le représentant de tous les pays. Il doit être le dirigeant, le gouvernail de différents êtres intelligents, de différentes nations intelligentes. Et quand je dis nations, encore là, il n'y aura plus de nations. Il y aura des contextes biologiques, il y aura des contextes géologiques, il y aura des contextes géographiques. Il n'y aura plus de nations supportées par un drapeau. C'est-à-dire que, quand je parle de contexte, l'ONU, présentement, tente de faire en sorte qu'un partage... Disons que l'ONU, c'est un gouvernement, une tentative de gouvernement mondial régie par le plan astral de la planète, par le plan spirituel de la planète. De ce fait, il ne peut pas être efficace à 100% et ça ne peut pas marcher. Le gouvernement mondial, la monarchie qui s'en vient, sera régie par le plan mental de la planète et non plus par le plan astral de la planète. Ce qui fait qu'il va fonctionner. Alors, au lieu de vouloir, par exemple, faire en sorte d'aider tel genre de pays, d'aider un pays qui souffre de famine, comme on le fait présentement, où on instruit les gouvernements à ne pas s'occuper de leur peuple parce que les gouvernements des autres viennent s'en occuper pour eux, donc où on ne règle pas une famine, mais où on entretient l'état de famine, presque de façon à pouvoir continuellement leur donner un peu d'argent. Et c'est ce qui se passe présentement. On n'a jamais solutionné aucun problème de famine. On ne fait qu'entretenir ces problèmes. Et l'ONU est une force qui permet à l'homme de croire en quelque chose, mais qui ne règle pas aucun problème. L'ONU n'a pas réglé grand-chose. Elle a réglé certaines choses dans le début de son apparition pour pouvoir prouver à la psychologie collective de l'homme qu'elle avait une efficacité. Mais depuis ce temps-là, elle ne sert plus à rien.